quoi ce bordel avec l'amour là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie? Pourquoi on se sépare? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand on sent que ça se barre en couille? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps là. Bébé, je voulais pas t'oublier, je peux pas. Je t'ai quitté sans raison, alors pour moi t'aurais fait n'importe quoi. J'écris avec le cœur, je m'en veux sincèrement. Elle voulait du cul, alors que je t'aimais vraiment toi. J'ai fait le con, j'avoue, mais redonne-moi ma chance. Ça sera jamais comme avant entre nous, mais j'ai envie que ça recommence. Je t'ai jamais sorti de ma tête, c'était impossible. Je t'aimais trop toi et pas une autre. T'as toujours été là pour me soutenir, et moi je t'ai jamais remercié. Putain, ça fait 4 jours que je me tue à petit feu, je mange plus, j'ai même pas d'appétit. J'dors plus, j'attends juste de toi un coup de fil, j'en plus. Je vois personne, j'fume, j'me nique les poumons. C'est encore derrière un micro que j'assume. C'est face à toi, j'aurais pas quoi dire. J't'ai pris pour une colle alors que j'étais conscient de ma connerie. Pardonne-moi, on me pardonne pas, j'ai plus rien à perdre. Je me suis encore enfilé une plaquette de médoc. J'arrive même plus à mettre fin à mes jours. Je n'aimais pas l'eau, je croyais. Mais je voulais toi, moi. Mais c'est fini, oublie pas que je t'aime. Mais on m'a menti, c'est pas le but. Non, c'est toi qui me donnes des ailes. Je t'ai jamais sorti de ma tête, je t'ai jamais oublié. T'es toujours dans mon cœur. J'ai plus la force de dire que je t'aime. Je regrette trop de m'avoir fait avec toi. Allez, je le dis quand même. Je t'aime. L'amour. C'est pas que dans les rêves. Avec toi c'était réel. Je veux juste que tu te rendes compte que je t'aime toujours. Car c'est pas instrumental. C'est même pas Seco qui a écrit ce texte, non. C'est Charlie. Ça vient du cœur.